L'ignorance où sont les locataires d'une même maison de leur situation sociale réciproque est un des faits constants qui peuvent le plus peindre l'entraînement de la vie parisienne. Mais il est facile de comprendre qu'un employé qui va tous les jours de grand matin à son bureau, qui revient chez lui pour dîner, qui sort tous les soirs, et qu'une femme adonnée aux plaisirs de Paris puisse ne rien savoir de l'existence d'une vieille fille logée au troisième étage au fond de la cour de leur maison. Surtout quand cette fille a les habitudes de Mademoiselle Fischer. La première de la maison, Lisbeth allait chercher son lait, son pain, sa braise, sans parler à personne, et se couchait avec le soleil. Elle ne recevait jamais de lettres, ni de visites, elle ne voisinait point. C'était une de ces existences anonymes, entomologiques, comme il y en a dans certaines maisons, où l'on apprend au bout de 4 ans qu'il existe un vieux monsieur au 4e qui a connu Voltaire, Pilastre du Rosier, Beaujon, Marcel, Molé, Sophie Arnoux, Franklin et Robespierre. Ce que monsieur et madame Marneff venaient de dire sur Lisbeth Fischer, ils l'avaient appris à cause de l'isolement du quartier et des rapports que leur détresse avait établis entre eux et les portiers dont la bienveillance leur était trop nécessaire pour ne pas avoir été soigneusement entretenue. Or, la fierté, le mutisme, la réserve de la vieille fille avaient engendré chez les portiers ce respect exagéré, ces rapports froids qui dénotent le mécontentement inavoué de l'inférieur. Les portiers se croyaient d'ailleurs dans l'espèce, comme on dit au palais, les égaux d'un locataire dont le loyer était de 250 francs. Les confidences de la cousine Bette à sa petite cousine Hortense étant vraies, chacun comprendra que la portière avait pu, dans quelques conversations intimes avec les Marneff, calomnier Mademoiselle Fischer en croyant simplement médire d'elle.